pas net. J'ai tout niqué, si je veux demain j'arrête. Mais ça coûte un bras à 30, tous les jours ça paraît. J'ai l'album perdu dans la colline, ça chope la frappe comme un Napoli. J'suis dans la vie, dans ma folie. J'ai l'album perdu dans la colline, ça chope la frappe comme un Napoli. J'suis dans la vie, dans ma folie. En bouche aussi, laissez-moi le tout ça. La journée tu parles de moi, toi c'est fou ça. C'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. Ah c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. Ah c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. À ce que t'as fait pour elle, tu rêves toujours ce jour où elle te dira je t'aime. Je vois que tu fais le débile mental, il pourra avoir un calibre sous le manteau. Les couilles à Yanis dans la mentale, la belle et la gadie de Pablo. J'avais envie de drame, je rêvais du wow. Une grosse entrée minimum, je vais te raconter mes problèmes. Embrouille soucis, laissez-moi loin tout ça. Ma crucible, laissez-moi loin tout ça. Toute la journée tu parles de moi, toi c'est fou ça. C'est fou ça, c'est fou ça. Ah c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça. Ah c'est fou ça, c'est fou ça.